Ce matin, en me préparant cette semaine, quand je lisais le texte, j'étais comme « wow, c'est un de mes sujets favoris ». C'est comme si Glenn avait divisé tous ceux qui allaient parler, puis il avait fait exprès pour me donner celle-là. Fait que... ceux qui ont mon âge ou qui ont en tout cas 40 ans et plus, ils connaissent tous Yvon Deschamps. Hein? Puis ils connaissent tous que Yvon Deschamps a fait un monologue quand il était très jeune qui s'appelait « Les unions, que ça donne ». Hein? Vous vous souvenez? Hein? Ça vous rappelle quelque chose? Hein? « Les unions, que ça donne ». C'était le monologue, c'était celui-là qui m'a introduit à l'humour. Hein? Yvon Deschamps, ça a été, et c'est encore pour moi, là, une icône de l'humour au Québec. Et puis, j'ai toujours aimé Yvon Deschamps. Fait que j'ai décidé de copier Yvon Deschamps ce matin, hein? Mais je vais pas faire un monologue, inquiétez-vous pas. Ben quoi que, quand on parle tout seul avec du monde qui écoute, ça s'appelle un monologue. L'objectif, ça ne sera pas nécessairement de vous faire rire, mais de nous faire réfléchir. Puis on va appeler ça la religion que ça donne. Si je tousse un peu, c'est vrai. J'ai été malade cette semaine, j'avais la grippe. Je me suis vraiment posé la question, moi-tu me rendre à dimanche, moi-tu y arriver, tu sais. On vit toutes sortes de choses à la maison. Je ne sais pas si Lynn elle a partagé un peu, non, pas en tout. Fait que y a plein de choses qui se passent chez nous en ce moment. Des bonnes comme des moins bonnes, des le fun comme des moins le fun. Il y a eu une intrusion chez nous qui s'est fait dernièrement, là, cette semaine. Quelque chose qu'on pensait que c'était parti, c'était fini, on avait fini avec ça. Ça s'appelle l'intimidation. Je suis tellement tanné que je l'ai écrit sur Internet. Puis la police a cogné à la maison à 4 heures du matin. Fait que, quand la police rentre chez vous à 4 heures du matin, tu sais, qu'est-ce que tu fais ici? On vient discuter. Il n'y a pas un petit peu de bonheur pour discuter. Il me semble que, tu sais, j'avais envie de dire Dunkin' Donuts, ça existe. Il n'y en a pas ici, tu sais. Tim Horton, il est ouvert 24, je ne suis pas sûr. En tout cas, tu sais. Ah, ça me tentait vraiment pas, tu sais. Puis là, tu sais, le policier, tu sais, il dit, ben là, il dit, avec ce que vous avez écrit sur Internet, tu sais, on devrait généralement vous amener à l'hôpital, tu sais. Donc là, je dis, non. J'ai d'autres choses à faire demain matin, moi, là, qu'à d'être à l'hôpital, tu sais. Fait que, faites attention à ce que vous écrivez sur Internet. Choisissez vos mots comme il faut, parce que vous pourriez avoir des visites inattendues. Mais malgré ça, sérieusement, l'intimidation, je suis tanné. Je suis vraiment tanné. Qui fait que, avec les jeunes, on va faire une vidéo sur l'intimidation. OK? J'ai pas dormi de la nuit ou presque, là. J'avais juste ça en tête. Ça me virait à l'envers. On va utiliser la parabole du bon samaritain. On va la flipper. Et puis, on va prendre ce modèle-là. Et ça va être l'intimidation qui va être derrière. OK? Correct? En 2012, c'est quoi l'intimidation en utilisant comme background le scénario de la parabole du bon samaritain? Généralement, à Noël, on devrait pouvoir vous présenter cette vidéo-là. OK? Priez pour nos jeunes qui s'engagent et tout ça. On a une belle gang. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Mais c'est pas le sujet. Un matin, je vais vous parler de religion. À quoi ça sert? La religion, que ça donne? Qu'est-ce que ça sert, ça? Pourquoi est-ce qu'on... Fait que, quand je me suis posé la question, la religion, que ça donne, il a forcément fallu que j'aille trouver la définition de religion. Hein? On ne peut pas se poser la question sans. Mais moi, j'ai ma propre définition. Ce que j'ai fait, je suis allé sur Google. Hein? On fait tout ça, hein, tu sais. Signification. Comment j'ai écrit ça? Que signifie religion? Facile, tu poses la question à Google. Que signifie religion? Il connaît tout, lui, Google. Hein? Ben là, je vais vous dire, il y a du monde qui savent ce que ça veut dire, la religion. Il y a plus de définitions que personne sur la planète. C'est impressionnant. Là, moi, je vais pas lire tout ça. J'ai comme 4500 pages avec 150 sorties par page. Tu sais. Non. Là, je dis, OK, je regarde un peu, puis là, je vois. Puis là, bon, forcément, il y a tous les sites d'église, hein, qui donnent leur définition de religion. Puis il y a tous les... Il y en a un paquet. Fait que je me tanne, puis je vais voir Wikipédia. Tu sais, c'est comme la place. Donc, c'est la place à pas aller. Quand on est à l'école, les profs, ils disent non à Wikipédia. C'est vrai qu'à certains endroits, Wikipédia fait pas toujours une bonne job, mais là, j'avais pas envie d'aller ailleurs, en réalité. Puis Robert, il est pas sur Internet, tu sais. Donc, ça me tentait pas de le retaper. Hein? Il est sur Internet maintenant? Ben, je l'ai pas trouvé. C'est vrai? Ah, Lexi, là, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Il existe sur mon iPod, mon iPad. Après, je suis allé sur Wikipédia, puis ce que j'ai appris, c'est que religion, le mot, il date des pères de l'Église. Hein? C'est les pères de l'Église qui ont formé ce mot-là, qui ont utilisé ce mot-là. Hein? Cicéron. Cicéron, c'est pas carré. Et puis, en réalité, c'était pour parler du christianisme. De la religion chrétienne. Et tout ce qui n'était pas chrétien était deux choses, soit païen ou hérétique. C'est aussi simple que ça. Hein? Ça s'arrête là. C'est soit tu es un païen, soit tu es un hérétique. C'est tout. Ou bien tu es un chrétien, puis là tu es dans la bonne religion. OK? Correct? Ben, en fin de compte, tu ne peux pas être dans la bonne religion parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il y a juste une religion, c'est le christianisme. OK? Bon. Au Moyen Âge, ça change un peu, hein, ça avance. Puis après ça, on arrive au 16e siècle, à la Réforme. Et puis là, ben là, ils sont obligés de utiliser religion au pluriel. Ils n'ont pas le choix parce que là, il y a plus qu'une religion chrétienne avec la Réforme. Donc là, puis avec ça, ben ils incluent l'islam. Parce que là, ils se rendent compte que, parce que la définition, c'est une série de règles pour adorer Dieu dans la vie quotidienne et dans le culte. OK? C'est ça la définition de religion. OK? Donc là, ben, les musulmans, ils ont leurs règles, et ainsi de suite. Bon, puis avec le temps, bon, ben, hein, tout ce qui vient régir ta manière de concevoir le divin devient donc une religion. OK? Donc avec le temps, c'est devenu comme ça. Bon, ma propre définition, si elle se trouvait un jour sur Google, les sorties, hein, ça serait écrit une invention ou quelque chose inventé par l'homme pour contrôler l'homme. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Hein? Si tu veux contrôler l'être humain, utilise la religion, ça marche de manière assez extraordinaire. OK? Il y a d'autres façons de le faire, mais la religion en est une bonne. OK? Donc, la religion que ça donne. On va lire le texte, je vais le lire avec vous, OK? Puis, on va se garder ça en tête, OK? Le texte est dans Colossiens, vous l'avez tous, avez-vous de votre petit papier? Je sais pas c'est quoi la version, c'est Sommer qui est dans ça? Ouais? Moi, je vis dans Sommer, en tout cas, OK? Colossiens 2, les versets 16 à 23. Ça dit ceci, faut vous référer à la prédication d'Yann de la semaine dernière pour savoir c'est quoi le pourquoi, OK, correct, hein, t'as lu juste avant, tout à l'heure, excellent. C'est pourquoi, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'abandonner, à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leur pensée toute humaine. Ils refusent de s'attacher au Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Vous êtes morts avec le Christ et tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à ceci, ne parle pas à celui-là, ne va pas à cet endroit, mais va à celui-là. » Ah, c'est pas dans le texte. C'est dans le mien. C'est ajouté par Michel Monnette. Donc. Ne dis pas ceci, ne dis pas cela, surtout aujourd'hui encore plus. Habille-toi comme ci, habille-toi pas comme ça. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. C'est dur, qu'est-ce qui est écrit là. C'est très dur. Très, très dur. La dernière partie, là, quand je l'ai lue, j'ai pensé à ce qui se passe à Rome en fin de semaine. En fin de semaine, il y a la canonisation. C'est comme ça qu'on dit ça? C'est le bon mot, là? Canonisation. La béatification, elle a déjà été faite. Là, elle est canonisée. Donc, elle devient sainte aujourd'hui, hein, par le pape de la première Amérindienne d'Amérique. OK? Et elle a été canonisée à cause de ses mortifications. OK? Maintenant, sa piété, sa grande piété, lui donnait à se frapper, à se couper. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Là, ça a l'air qu'elle était quand même assez violente avec son corps. OK? Elle était au pied de la croix dans un cimetière déshabillé en plein hiver. Non, elle se faisait ce genre de sévices-là. Là, OK? Hein? Et puis, ils l'ont béatifié dans les années 90, mais ils ne pouvaient pas la canoniser parce qu'elle n'avait pas de miracle à son compte. Et puis là, il y a quelqu'un qui aurait été guéri là, il y a quelques années grâce à elle. Alors, ben, elle est morte en 1600 quelques, là, mais ça, c'est comme ça. OK? Fait que là, ils l'ont canonisé, ben, un matin, là, c'est fait, là, à l'heure de Rome. c'est fait. OK? Puis là, moi, je lisais ce texte-là. Sérieusement, là, je pensais pas d'en parler, mais c'était juste comme, c'est trop gros. Je pouvais juste comme pas le, OK? On peut pas se frapper par piété. OK? On peut pas se faire du mal par piété. En tout cas, c'est ce qui est écrit ici. OK? Ça a le beau avoir l'air d'une grande piété, mais Paul, il est en train de dire, tout ce que tu fais, c'est que tu satisfais tes aspirations toutes humaines. Tu cherches ta propre gloire. OK? Mais je suis pas là pour juger là ce qui est arrivé avec cette dame-là. Hein. Elle a vécu une vie très difficile. À l'âge de 5 ans, elle a perdu ses parents. Elle a été bafouée, traînée. Elle est morte à 25 ans. Donc, c'est... Dans une autre ordre d'idée, j'avais un déjeuner vendredi matin avec un ami. C'est un homme que je connais depuis plusieurs années. Il prêche, surtout dans le milieu de Pentecôte. Et puis, il fréquentait l'église Sans Frontières. Puis là, il avait décidé de suivre un pasteur qui a démarré une église à 10-30, au cinéma 10-30. Donc, c'est un pasteur français qui était associé avec Claude Houde, qui a démarré une église dans le quartier 10-30. Là, il se joint à lui. Puis là, ce pasteur-là invite mon ami à prêcher. Puis, ce dimanche-là, il n'y a pas de louange. Le pasteur demandait plutôt aux gens, aux enfants de faire des comptines. Bon, ils les avaient préparés une semaine avant, là, mais les gens étaient là. Puis là, après ça, il fait une pause, puis là, il invite mon ami. Fait que là, mon chum, Jeff, il dit, ça n'a pas de bon sens, Michel. Il dit, déjà, il n'y a pas de louange. Il dit, on réussit à préparer les gens, puis tout ça. Puis là, comme je viens pour aller prêcher, il colle un break. « C'est quoi, moi? »« Qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu vas prêcher, man. » Mais là, pour lui, là, hein, l'Église, là, j'ai dit, « Jeff, tu as grandi dans un système qui te dit que la louange, elle est là pour préparer le cœur de ceux qui l'apprennent, qui l'accompagnent, ainsi de suite, afin qu'ils soient prêts à recevoir la parole de Dieu. » C'est ça, la louange. C'est supposé être ça. J'ai dit, « Ce que tu as grandi, c'est on manipule les gens pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. » Je dis, c'est pas ça qu'on fait, là. Je dis, on n'a pas cette intention-là. Mais c'est ça pareil. Dans mes mots, là, ça s'appelle de la manipulation. Mais j'ai dit, ce pasteur-là, il a fait le pari que le Saint-Esprit est capable de travailler dans la vie du monde autrement. À mon avis, c'est comme ça que je l'interprète. Mais la religion nous fait dire quoi? Ben, l'Église, c'est comme ça. Hein? On a besoin de ça. Il faut que ça soit fait de même. Ça prend une présidence. Ça prend de la louange. Ça prend une prédication. Ça prend l'école du dimanche. Ça prend des services. Ça prend des programmes. Ça prend toutes sortes d'affaires. J'ai fait des cours, comment on appelle ça, des bootcamps. Ça se traduit-tu, ça? Un camp d'entraînement pour implanteurs d'église. OK? Comment démarrer une église? En réalité, ce qu'ils te donnent, c'est comment monter un plan d'affaires écrit « église » en titre, OK? Avec tous les programmes qu'il faut que tu fasses pour les ados, pour les jeunes adultes, pour les vieux, pour les jeunes pas vieux, puis les jeunes qui sont en train d'être vieux, puis... une affaire, là, tu sais, là, puis là, comment est-ce que tu vas parler de l'offrande, forcément? Il faut parler de l'offrande, hein, tu sais, faut qu'on le passe, le sac, on n'a pas le choix, faut payer le building, hein? Hein? Faut payer le pasteur, faut payer le prédicateur, faut payer les instruments de musique, faut payer les chaises, t'sais? C'est normal, ça, on a besoin de ça, OK? Bon. Mais c'est quoi qui est à notre service? Est-ce qu'on est au service de ce système-là? Est-ce qu'on est là pour servir le système? Ou est-ce que le système est là simplement pour nous permettre de proclamer la parole de Dieu? De nous permettre simplement de dire la réalité est en Christ. C'est quoi? Fait qu'on peut se faire toutes sortes de systèmes. La religion, c'est à ça que ça sert, de s'organiser. C'est sécurisant. C'est très sécurisant, la religion. Pourquoi? Parce que ça me donne une série de règles à faire et à ne pas faire. Bon, dans mon cas, à moi, c'est insécurisant pour ceux qui me voient rentrer dans un système. Parce que je ne suis pas très, très conformiste, donc c'est plutôt compliqué pour ceux qui me voient rentrer dans un système. C'est préférable de pas. Hein? Donc, Dieu est intelligent, hein, puis il ne m'a jamais permis vraiment d'aller dans des systèmes très, très fermés comme les darbistes ou les frères en Christ. Ou, non, tu sais, il m'a donné des endroits beaucoup plus ouverts et il savait que ça ne servait à rien, tu sais. Mais comment on est? C'est quoi ça, le culte des anges? Hein, parce que c'est ça qui est écrit, hein? Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ça, c'est les hyper-spirituels. Hein? Les hyper-spirituels, ils ont une réponse facile à tous les problèmes du monde. OK? Généralement, là, la réponse, elle se dit ceci comme ça. Prie. Prie! Pourquoi tu as des problèmes? Prie! C'est ça la réponse. Hein? Là, c'est des hyper spirituels. Moi, je prie. Moi, je suis à genoux tous les matins, 5 heures du matin, puis je prie. Mon ami JF, c'est ça qu'il fait. C'est un... Il peut challenger Glenn sa discipline. Tu sais? Moi, je dis Glenn a inventé la discipline, puis JF l'a copié. Tu sais, c'est à peu près ça. Donc, c'est des hommes très disciplinés. Ils sont disciplinés dans leur vie personnelle. Ils sont disciplinés dans leur vie sportive, dans leur vie professionnelle, dans leur vie spirituelle. Ils prient. JF, à 5 heures du matin, il est dans son sous-sol, dans sa chambre, whatever. Il ouvre sa Bible, il étudie, il prie, puis ainsi de suite. Il fait tout ça. À un moment donné, il vient me voir, puis il dit... Je suis plus capable. Je comprends pas qu'est-ce qui arrive. Je suis en colère après Dieu. Parce que je prie le matin à 5 heures. Je me lève, je prie, puis j'étudie ma parole, puis je l'aime, puis je donne ma dîme. Puis j'ai pas les moyens, mais je la donne pareil. Puis tout s'écroule autour de moi. Il a fait des niaiseries là, pour qu'il s'écroule. Là. Il pourrait écrire un livre sur comment se mettre les pieds dans les plats. Mais au-delà de ça, il était frustré à ce moment-là. Il ne vivait pas ça, mais il était frustré. Pourquoi? Parce qu'on cherche à plaire à Dieu. C'est ça qu'il voulait. Plaire à Dieu. C'est ça, être un super spirituel. Moi, je suis bien spirituel. En tout cas, pas dans ces termes-là. Je peux pas. Ça marche juste pas dans mon esprit. OK? On a été créé spirituel. On est maintenant spirituel. Mon corps me dit d'autres choses, là. OK? Correct? Oui. Mais est-ce que je peux plaire à Dieu par mes actions? Est-ce que ce que je suis en train de faire, là, plaît à Dieu? Est-ce que ce que vous êtes en train d'entendre plaît à Dieu? Est-ce que ce que vous vous dites sur ce que vous entendez plaît à Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu que Thierry joue sur son téléphone? Oups! C'est ça! C'est une influence de Daniel, ça. Hein? Est-ce qu'on peut plaire à Dieu? Non. Je suis désolé, là, je ne veux pas vous faire de peine, OK? Mais vous pourrez faire tout ce que vous voulez, toutes les parades qui existent à la terre, toutes les meilleures actions spirituelles qui existent, faire le chemin de Compostelle aller-retour à l'intérieur de 24 heures, à pied, hein? Oui, il faut le faire en 24 heures à pied. Tu sais, tout faire, OK? Peu importe les pèlerinages que vous ferez, que vous veniez à l'église à tous les dimanches, que vous soyez pieux et religieux, puis que tout est bien seté dans votre tête, puis tout a des belles petites cases et tout ça, selon ce que je lis ici, plaire à Dieu, ça marche pas. Je peux pas. Il y a une seule chose qui plaît à Dieu. C'est pas une chose, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. C'est quoi? L'observance des jours de fête, des nouvelles lunes, des sabbats. Toutes les choses que Dieu avait données au peuple, de se rappeler d'eux. Le vendredi, dans le groupe chez moi le vendredi, on est en train de discuter sur le sabbat. On est en train de se rappeler qu'est-ce que c'est le sabbat et d'inviter les gens à pratiquer le sabbat. Mais la première chose qu'on a dit, c'est pas une règle. C'est la première chose qu'on s'est dit, hein, le premier vendredi qu'on a discuté de ça. On s'est dit, ça ne doit pas être une règle, parce que si ça devient une règle, on passe à côté du but. On n'est pas là pour ça. On est là pour se rappeler. Le sabbat, c'est quoi se rappeler? Se rappeler qu'on était esclave, se souvenir qu'on peut. Le mot, c'est « aide-moi ». Résister, c'est bon. Hein? Se rappeler qu'on peut résister à la tentation, au monde, à l'extérieur, ainsi de suite. Se rappeler qu'il y a 6 jours de travail et une journée de repos. C'est ça le sabbat. Mais l'objectif, c'est pas de plaire à Dieu en faisant le sabbat. Paul dit, vous êtes mort avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. La semaine dernière, vous avez parlé du baptême. Hein? On a parlé là, de enseveli, c'est le texte là, qui vient juste avant, je ne me trompe pas. Hein? En tout cas. C'est ça, hein? Enseveli avec Christ. Hein? Donc ça, c'est le texte qu'on utilise quand on donne un cours de formation au baptême. Hein? C'est quoi le baptême? Hein? Enseveli avec le Christ, ressuscité avec lui. Mais si je suis ressuscité avec lui, si j'ai reconnu sa résurrection, si j'ai reconnu la raison pour laquelle il est mort et ressuscité, si je l'ai pris dans ma vie puis j'ai dit « Seigneur, fais de moi ton disciple, je veux être comme toi, je veux faire comme toi », à partir de ce moment-là, je plais à Dieu. C'est tout, il n'y a pas rien d'autre à faire, là. OK? Pourquoi? Parce que la réalité est en Christ. Tout le reste, c'est illusion. C'est un show de boucan. OK? Ça sert juste à nous contrôler et à nous donner une envie de contrôle. On a fait une étude sur le chac pendant un bon bout de temps. On a fait presque pendant un an, on a regardé le chac. Et une chose qu'on a retenue de ce texte-là, c'est les règles ne consolent pas. Les règles n'ont aucune compassion. Les règles n'ont aucune émotion ou sentiment. ils nous aimeront jamais. Mais les hommes, les femmes vont le faire. Nos relations. C'est les relations. Et Christ nous a libérés pour être en relation, et remettre en relation. À la base, religion, c'est ça que ça veut dire. Remettre en relation. Rétablir la relation. Réconcilier. Donc si, et Jacques dit, c'est quoi la vraie religion? De prendre soin de la veuve et de l'orphelin, du pauvre. Vous pourrez lire Jacques. Mais la relation, c'est ce qui est important. Il n'y a rien dans nos vies de plus important que ça. On peut s'isoler chacun chez nous, faire du Facebook, là, OK? Correct? Dépendamment de ce que vous allez dire là-dessus, vous allez avoir des bonnes ou des mauvaises relations. Mais ça reste quand même que c'est les relations qui sont importantes. Et avec Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu afin qu'on puisse se réconcilier les uns avec les autres, qu'on puisse être en relation ensemble, qu'on puisse aimer les autres autour de nous, être en relation avec eux et garder cette relation avec Dieu. Trop souvent, dans l'Église, on met beaucoup d'emphase sur la relation avec Dieu et peu d'emphase sur nos relations interpersonnelles. Peu d'emphase sur comment on vit les uns les autres, ensemble. On se donne peu de droits de dire « je suis pas d'accord avec toi » ou « j'aime pas ce qui se passe, je suis pas d'accord avec ça ». On se donne très, très peu d'espace pour être qui on est. Et dans l'Église, ça devrait être le centre de notre identité. On devrait avoir le droit d'être qui on est, avec nos qualités, nos défauts, et le chemin que l'on prend avec Dieu pour s'améliorer. Et c'est ça que dit ce texte-là. Tu auras beau être l'homme, la femme la plus spirituelle sur la terre, de te mortifier, d'être à genoux 24 heures par jour pour prier Dieu, ça ne changera rien si tes relations ne sont pas en Christ. On n'y arrivera pas. Donc, gardez ça en tête, je finis avec ça. Après ça, on pourra discuter ensemble. La religion sert à nous abrutir, à nous asservir, alors que Christ a tout accompli. Et en lui, avec lui et pour lui, on peut tout. Et on peut avoir des bonnes relations. Donc, c'est ça. Moi, c'est j'ai fini mon monologue. Fait que là, on passe au dialogue. À vous la parole. Oui. Oui, et c'est bon à savoir que ces choses qui Paul dit ici, c'est comme, comme le texte du Hébreu qui dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire qu'il existe, qu'il donne pour ceux qui le cherchent parce que oui, c'est tout en qui c'est. C'est pas notre chose, notre propre. Oui, effectivement. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Puis la foi, ça serait avoir confiance en Jésus. Hébreux 12 définit la foi comme la ferme confiance dans les choses que l'on espère. La ferme assurance des choses que l'on espère. Est-ce qu'on espère? C'est Christ. Donc, c'est ça, Carmel. OK? T'as raison. C'est Hébreux 12:1 donne la définition de la foi. Gilles, puis après, Denise. D'être ensemble. C'est bon d'être ensemble. Moi, j'ai vu ça. Avec le monde, les enfants de Dieu, c'est très différent. Je trouve que ça nous amène à nous interroger sur ce que c'est l'Église, ce que ça doit être l'Église. Puis je trouve qu'on est dans une... à l'Église, on n'a pas toujours de président, on n'a pas toujours de musicien, mais ça nous ramène quand même au cœur de ce que c'est quand on se réunit les uns et les autres. Même si on n'a pas toujours notre président, qu'on n'a pas toujours notre musicien, qu'on n'a pas toujours même peut-être quelqu'un qui prêche parce que la personne est malade, je ne sais pas. Mais c'est pas ça qui est important. Au bout du compte, c'est parce qu'on se réunit ensemble pour Jésus-Christ, parce qu'on veut mieux connaître. Puis il y a toujours moyen, ça ne nous prend pas tout ça pour mieux connaître. Ça me fait du bien. Ça ne veut pas dire que, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans d'autres extrêmes non plus, là, où on n'a pas besoin de rien. Puis, je pense que des fois, tout ça peut nous aider aussi. Il faut faire attention, mais c'est pas ça l'essentiel. Il ne faut pas tomber, c'est ça, dans l'extrême du chaos et de l'anarchie. Ce n'est pas l'objectif. T'sais. C'est juste de dire, est-ce que la structure, je suis au service de la structure ou la structure est à mon service? Parce que la structure, elle est là pour nous aider à proclamer Jésus-Christ, à l'adorer. Le dimanche matin, on pourrait décider ensemble de dire on devient une église ouverte vers l'extérieur, puis on fait toutes sortes d'activités pour que les gens qui viennent ici soient des gens qui cheminent vers Dieu, mais qui n'ont pas pris de décision encore. Ou bien non, on reste ensemble, et puis l'objectif, c'est qu'on apprenne ensemble. Les deux modèles sont bons. Et c'est ça. Mais c'est à nous de décider. Mais l'objectif, c'est toujours de garder en tête, comme Denise dit. T'sais. Église, c'est quoi? T'sais? La liberté de la famille. Tu sais, hein? C'est ça. J'étais mercredi soir au Games Bar sur Saint-Hubert. C'était une rencontre exceptionnelle où Glenn était invité comme le conférencier. Puis au deuxième étage du Games Bar, c'est comme une salle à part, alors nous avons eu ça pour la soirée. Puis il y avait entre 40 et 50 chrétienne dans la vingtaine. C'est la première fois que j'ai vu autant de chrétiennes dans cet âge depuis que j'étais à Urbana en 2006, je pense. Et ça m'a touchée sur plusieurs points. Premièrement, parce que je reconnaissais certaines monitrices du cœur qui étaient là, alors qui se chevauchent dans différents milieux. Certaines de Jeunesse en Mission qui sont arrivées la semaine passée pour passer 8 mois ici. Le groupe de Simon Nadeau, qui est une église non-traditionnelle, un regroupement non-traditionnel. Puis là, Glenn parlait de comment vivre la communauté chrétienne en ville, comment être un chrétien heureux en ville, certainement, avec ses statistiques et ses réflexions. La chose qui m'a chagrinée le plus, c'est que la seule fois qu'ils ont applaudi était quand Glenn a dit quelque chose de négatif sur l'église, en institution. Alors, je trouvais ça dommage. Mais en même temps, c'est un groupe, et c'était tout mélangé, francophone, anglophone, universitaire, travail, genre, travail, tout ça. Mais c'est que ce groupe, ou c'est pas un groupe qui est d'habitude ensemble, mais ces jeunes cherchent à redéfinir qui ils sont comme chrétiens, en communauté. La chose qui peut-être les a frappés le plus fort, c'est la statistique qu'à Montréal, 40% de la population vit seule. Et j'ai regardé le groupe, il y en a beaucoup qui vivent seuls dans leur appart aussi. Et le défi est de créer les communautés contre-culturelles. Contre-culturelles, merci. Alors, ça a porté beaucoup de réflexions auprès de groupes. J'ai vu quelques-uns pendant le reste de la semaine, ils réfléchissaient toujours. Mais je pense qu'une partie de notre défi, n'importe quel âge nous sommes, est de continuer à créer ces communautés contre-culturelles. C'est pas facile de vivre ensemble, c'est pas facile de faire église ensemble, mais de trouver une façon qui est pertinente à la société et qui honore Christ en même temps. Alors, c'est juste quelques réflexions que j'avais face à cette soirée assez unique. Vous pourrez aller voir ecad.ca. ECHAD, ou aller sur Facebook, chercher ECAD, ECHAD, puis vous allez trouver les informations sur le groupe. Donc, effectivement, c'est Simon Nadeau qui en est le leader. D'autres choses? 2004, quand on est revenu de la France, Lynn et moi, on a entrepris un projet d'implantation d'église. Et avec ce projet d'implantation d'église, il est arrivé un autre projet qui s'appelait « Réinventer l'église ». Je vous promets, si vous n'êtes pas appelé à faire ça, ne faites pas l'exercice. C'est un calvaire, un réel calvaire. Parce qu'on marche à contre-culture de deux cultures. L'église marche à contre-culture de notre culture ambiante dans laquelle on vit. Et réinventer l'église, bien, c'est de marcher à contre-culture de l'église. Donc là, tu vis à contre-culture dans deux sens. Et c'est très compliqué. Ça fait mal. Beaucoup de questionnements. Et je savais très, très bien ce que je ne voulais pas. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais. Jusqu'à ce que je comprenne que le centre de toutes nos vies, peu importe le tempérament qu'on est, qu'on soit introverti ou extroverti, le centre de tout ce que l'on fait est communautaire. Et on doit le faire en communauté. La communauté, c'est le remède parfait contre la psychose. La communauté, c'est le remède parfait contre les dépendances de toutes sortes. La communauté, c'est là où on peut s'exprimer puis être qui on est. Et dire aux autres, et de vivre avec les autres, les problèmes que l'on vit. Comment est-ce qu'on les vit? Où est-ce qu'on les vit? Et de s'accompagner. On a tous des tempéraments différents. On clique avec un ou avec l'autre. On clique pas avec un puis avec l'autre. Ça dérange pas, ça. L'important, c'est est-ce qu'on aime réellement? Et est-ce que j'aime avec un arrière-pensée? Ou est-ce que j'aime juste parce que j'aime? Ça prend du temps pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire aimer. Juste aimer. Sans arrière-pensée. Ça veut dire sans combler mes propres besoins. Sans avoir l'intention de convertir la personne à une idéologie ou à une autre. Aimer. Juste aimer. C'était la chose que Jésus a fait le mieux. A accompli. C'est le centre de tout ce qu'il était. C'était aimer. Puis, on en est venu à le savoir, puisque Jean dit, Dieu est amour. Et oui, c'est vrai. Jésus est amour. Et puis, et donc, il faut tout le temps se garder ça en tête. Et de plaire à Dieu, on peut embarquer dans un projet de réinventer l'Église. On peut aller à ECAD et puis être frustré avec l'Église parce qu'on a 20 ans puis que c'est poche d'être assis comme ça puis d'avoir... oui, il y a plein de choses qu'on peut être en désaccord avec la manière dont on fait nos réunions. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est bien ensemble? Est-ce qu'ensemble, on peut se défier à être des meilleurs humains et être des témoins de Jésus-Christ dans nos environnements communs et individuels? Et que cette manière d'être témoin-là, elle nous appartient à nous, et à nous seuls. Je ne suis témoin de Jésus-Christ que parce que je suis moi-même. Je ne peux pas être un témoin comme lui, comme Pierre, comme Gilles, comme Denise. Non, je suis moi-même un témoin de Jésus-Christ parce que je connais Christ et ma relation avec lui. Et c'est tout. Et on doit s'encourager à ça. Donc, c'est ça pour moi la communauté, en tout cas. Et c'est ça que je lis dans ce texte-là. C'est je peux embarquer dans toutes sortes de règles religieuses qui régissent ma manière d'être en relation avec Dieu ou qui me cherchent à me complaire, je plais à Dieu, de me sécuriser, je plais à Dieu. Mais si j'aime seulement, juste J-A-I-M-E, point. That's it. Sans arrière-pensée. Je m'approche très, très près de ce que Jésus voulait pour l'Église. Fait qu'on va arrêter ça là. Je vais juste prendre le temps de prier. Et puis, on se dira la semaine prochaine. Seigneur, je veux te louer, t'adorer, te remercier. te remercier pour ta parole, te remercier pour les témoignages, pour la vie communautaire, pour la vie qu'on a ensemble. Te remercier pour la famille que tu me donnes, cette famille qui est ton Église, que tu aimes, que tu appelles ton épouse. Merci. Merci que tu m'appelles ton épouse. Wow. Quel mot merveilleux. Bénis chacun de ceux qui sont ici, chacun de tes enfants. Bénis Moïse et Cathy dans l'heure du repos. Protège-les, protège le bébé. Protège Glenn à Winnipeg. Et apprends-nous, Seigneur, à mettre Christ au centre de tout, parce que c'est lui et en lui qu'est la réalité. Apprends-moi à ce que ça veut dire. Christ est la réalité. Amen. Bonne semaine.